La Saoula. Oui, madame. La Saoula, mais. Bonne la vieille. La Saoula. Oui, madame. La Saoula, mais. Bonne la vieille. La Saoula. Oui, madame. La Saoula, mais. Bonne la vieille. La Saoula. Oui, madame. La Saoula, mais. Bonne la vieille. La Saoula. Oui, madame. La Saoula, mais. Bonne la vieille. Faut venir bien, faut venir bien. Faut venir bien à tout moment la Sao. Faut venir bien à tout moment la Sao. Mais faut venir bien pour pas détailler. En coutant mon carré, réveiller ma main. En belle parade, esquiver les coups. Mis en misement pour les Templiers. Et Jean la Sao, commandé la voix. Oh! La Sao là. Oui, madame. La Sao là, mais. Pour la vieille. La Sao là. Oui, madame. La Sao là, mais. Pour la vieille. La Sao là. Oui, madame. La Sao là, mais. Pour la vieille. La Sao là. Oui, madame. La Sao là, mais. La Saoula.